France Musique. Bonjour Nathalie Piollet. Je me trouve ce matin dans le bas de Manhattan, devant un théâtre effervescent situé loin de Broadway, le Public Theater, un bâtiment de briques rouges, avec des colonnades et trois grands drapeaux. C'est là que nous rencontrons ce matin un auteur-compositeur de comédie musicale prolixe et audacieux qui présente actuellement sa 12e œuvre, First Daughter Suite. Il s'appelle Michael John Lacusa. The next stop is 42nd Street. Come here. Venez. This is the proper. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. La comédie musicale américaine n'est pas seulement ancrée dans le passé de George Gershwin ou de Cole Porter. Ce matin, nous rencontrons à New York, dans l'un des théâtres alternatifs situés dans le East Village, le Public Theater, la même où Hair et A Chorus Line ont été créés il y a 30 ou 40 ans, l'un des plus fructueux compositeurs américains, Michael John Lacusa, dont l'œuvre audacieuse est régulièrement jouée ici, au Public Theater, ou parfois aussi au Lincoln Center, mais qui a vu aussi certaines de ses œuvres monter à Broadway. On lui doit des adaptations de mythes comme Médée, de poèmes, de romans, par exemple de romans de Gabriel Garcia Lorca, ou encore des histoires vraies transformées en comédie musicale comme celle de cette illuminée Annie Hudson Taylor, dans des œuvres souvent entièrement chantées de bout en bout, dont il écrit à la fois le livret, les paroles et la musique. Bonjour Michael John Lacusa. Bonjour. Welcome to my party, glad you like the dress. Welcome to my party, baby, where's the ice? Who here's up for dancing? Who here's new? Welcome to my party, who the hell invited you? You're here because you love me. Don't I know it? Yeah, I know. You're here because you love me. And cause the booze is cheap and the lowdown's low. Welcome to my party, you know what I need. Queenie's up for jazzin', Queenie's up for anything tonight. I gotta get my engine smoking. I need it bad and God, I need it more. I need a lot of friendly stroking. There ain't no heaven and there ain't no hell, no turning back. Daddy, lock the door. What's this? I'm Nadine. I'm May's little sister from Poughkeepsie. Can I have a sip? You want to hang with Queenie? Lesson number one, never rush liquor or love. The creatures of the night have come here to play. We don't like the light and we don't need the day. People like us got a jazz till we drop. Cause people like us, we don't know when to stop. I know how to party, show you how it's done. I'll teach you how to party. Where the hell's my ice? You'll remember this one, Queenie's guarantee. Welcome to my party. Wanna get creamed, wanna get juiced, wanna get wild. Welcome to my party. Toni Collette, en 2000, dans cette comédie musicale qui s'intitulait The White Party, que vous avez composé, Michael John Lacusa. Qu'est-ce que c'était, The Wild Party? What was it, The Wild Party? The Wild Party was based on a poem by Joseph McClure March. Cela repose sur un poème de Joseph Moncourt March. C'est un poème qui date des années 20. Et c'était un poème très scandaleux qui a été interdit aux États-Unis parce que c'était très osé. Il y avait un sens de l'humour. Il y avait du sexe. C'était sombre. Et je suis tombé là-dessus au début des années 90. Et je me suis dit, ce serait une idée intéressante pour une comédie musicale. Et j'ai mis ça sur mon étagère dans ma bibliothèque. Et lorsque le moment est venu de travailler sur une nouvelle œuvre, j'ai pris cet ouvrage et je me suis dit, ben voilà quelque chose d'intéressant. Et puis ça reflète bien notre époque actuelle aussi. Et il y a des parallèles avec les années 20 aux États-Unis. Ça faisait écho à ce qui se passait à la fin des années 20 et notre expérience actuelle. Vous pouvez nous raconter de quoi parle The Wild Party? Could you tell us a story? The Wild Party is a very simple story. The Wild Party, c'est une histoire toute simple. Ces deux personnages de vaudeville, Queenie et Black, qui vivent ensemble, et leur relation est assez houleuse, parfois même vive. Une relation pleine de sexe est assez sombre et bref, pour s'amuser, pour épicer un peu leur vie de couple, ils décident de lancer une grosse fête totalement débridée. Ils invitent tous leurs amis et puis ce sont des gens qui ne sont pas des vedettes du vaudeville. Ce sont des gens qui sont un petit peu en marge du théâtre. Ils ont du mal à se faire connaître. Ils sont des petits acteurs. Donc ils invitent tous ces amis à cette grosse fête pour s'amuser et toutes ces personnalités se rassemblent dans une pièces, ils viennent de tout un tas d'origines, il y a des blancs, des noirs, des lesbiennes, des gays, ainsi de suite, tout le monde est rassemblé dans cette fête, et puis les esprits s'échauffent à la faveur de l'alcool et de la drogue, et en raison du sexe aussi, et puis ça devient une espèce de tempête d'émotions et de passion. Et tout cela, ça explose, et l'univers explose. Pour écrire une comédie musicale, pour écrire la partition d'une comédie musicale, comment vous choisissez la musique? It's a jazz age poem. C'est un poème qui date de l'âge d'or du jazz, l'époque de Josephine Baker, par exemple. Donc il s'agit des années 20. Et c'était une époque assez remarquable aux États-Unis, particulièrement à New York. Il y avait les influences blanches et afro-américaines qui rencontrent les influences juives aussi. Et ça crée une espèce de creuset de créativité. Si vous écoutez le jazz des années 20, on entend un petit peu de musique klezmer, par exemple, un petit peu de musique italienne aussi. On entend même un peu de musique du cabaret français, mais on entend le groove et le funk afro-américain, et puis le début du rock'n'roll même, qui a été créé dans les années 20. Et c'est là qu'on a la palette, c'est là qu'on a la couleur de la partition. Was a tinted mask of snow. To drive men mad. Be curs. They might be actors, sports chauffeurs. She never inquired of the men she desired of their social status or wealth. She was only concerned about their health. True. She knew. She knew there was. was little, she hadn't been through. And she liked her lovers violent and vicious. Queenie was sexually ambitious. Queenie was sexually ambitious. Queenie was sexually ambitious. Queenie was sexually ambitious. Queenie was. L'ouverture en 2000 de The Wife Party, cette comédie musicale composée par Michael John Lacusa. Erza Kitt retournée sur scène à Broadway après 20 ans d'absence. Et Michael John Lacusa, vous avez composé une chanson magnifique pour son personnage. Merci, j'aimais beaucoup Erza, c'est une femme merveilleuse. Elle incarne le personnage de Dolores, une personnage qui existe depuis longtemps et qui a un sacré bagage, un gros vécu et qui a fait beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie. Et je me suis dit qu'il fallait le fameux avant-dernier morceau, sort de tremplin qui prépare le public pour la fin et pour le personnage d'Erza. Il n'y avait pas d'autre choix que de dire « Ah, j'écris pour l'une des grandes légendes de notre époque. Il faut un morceau formidable. » C'est ainsi qu'est né « When It Ends » pour Erza. Quelle sorte de chanson écrire sur mesure pour Erza Kitt ? Erza Kitt a un tel vécu, qui a toute cette expérience, qui connaît le racisme, et qui a triomphé sur l'adversité, requiert un morceau où je montre la sagesse qu'elle a acquise. Et j'espère que le morceau donne une explication à cette expérience. Vous pensez que vous pouvez faire la fête et que vous allez comme ça faire la fête tout le temps? Eh bien, ça dépend, parce qu'évidemment, plus on s'envole, plus la chute est brutale. Hein. C'est ça que j'explique. Par conséquent, il faut être conscient de cela. La fête ne dure pas éternellement et il faut être prêt. Et la seule chose qui va vous permettre de continuer, c'est d'avoir les couilles d'affronter la catastrophe imminente et de dire « bon d'accord, j'assume ». Vous nous avez expliqué un petit peu les paroles et la musique, comment vous la choisissez pour ce morceau ? The music is very much, there's almost a military-esque. J'ai créé une ambiance quasi martiale, parce que c'est quelqu'un qui est un combattant, donc il y a un groove que j'essaye de donner parce qu'elle adopte un pas militaire vers l'avenir. So, yeah, I think the part is gonna last forever. And you'll always fly this high, but that depends. The higher, the harder you're gonna crash back down when it ends. You can make a fortune doing next to nothing. Sit there on your ass and kill your friends, but you better know how to kick, kick, kick your way out of the burning room when it ends. And that's all I know of the song. Remember well. My man's been too. I'm too old to remember my own things now. So, you think the party's gonna last forever, and you'll always fly this high, but that depends. The higher the high, the harder you're gonna crash back down when it ends. You can make a fortune doing next to nothing. You can sit there on your ass and screw your friends, but you better know how to kick, kick, kick your way out of the burning room. Burn it ends. You can sell your body to the highest bidder. You can call it love and cash the dividends. You can take a million lovers, but you're on your own when it ends. Beauty won't matter and brains won't matter when the world falls apart one cold and starving night. Money won't matter and love won't matter if you ain't got the balls to fight that one last fight. I can tell you that no party lasts forever. I've been there and there and there and seen enough. So you better hope to Jesus or Mohammed or whatever that you've got the right stuff when it ends. When it ends. When it Ersakit, When It Ends, extrait de la comédie musicale de Michael John Lacusa, qui nous reçoit ce matin au théâtre, au Public Theatre à New York, une comédie musicale qui s'intitulait The White Party en l'an 2000. Michael John Lacusa, vous avez composé 12 comédies musicales à ce jour, mais aussi des opéras, des cycles de chansons. Pourquoi vous composez des comédies musicales ? I don't know the answer to that. Je ne sais pas répondre à cette question. I need to. And I love to. J'ai besoin. I really am not very good at anything else, I don't de think. Ça. I would make a terrible waiter. J'adore faire ça. Je ne sais rien faire d'autre. You know, si j'étais serveur, je serais un serveur lamentable. Really, je ne sais pas très bien accountant. Compter. Je serais un piètre comptable. Mais j'adore le théâtre. Et j'adore pouvoir émouvoir le public grâce à la musique. Et le théâtre musical, c'est un moyen d'y parvenir. Il faut que les gens ressentent des émotions inédites. Et j'essaie d'exprimer des choses que les gens ressentent, mais qu'ils n'arrivent pas à identifier. Comment vous avez appris la musique ? Moi, je suis autodidacte. Je n'ai pas suivi d'études musicales. Au début, jeune, je jouais du piano, puis de la batterie, des percussions. Je ne suis pas du tout pianiste classique, mais vraiment pas du tout. Je joue du piano comme s'il s'agissait d'un tambour, hein, comme si je jouais des timbales ou du xylophone. Je tape là-dessus. Donc, je suis un pianiste très percussif. Et du reste, ma musique est très empreinte de percussions. Et c'est ainsi que je me suis mis à faire de la musique. Et puis, j'ai étudié seul, encore une fois. Et puis à l'âge de 16 ans, j'étais déjà professionnel. Je gagnais de l'argent en faisant de la musique. Et c'était tout à fait formidable de gagner de l'argent en accompagnant les autres. Ce n'est qu'à l'âge de 23 ou 24 ans que je suis devenu compositeur à plein temps. Et je me suis dit, c'est ça que je vais essayer de faire. Et il faut que je fasse ça au théâtre. C'est cette voie-là que j'ai choisie. C'était une sottise parce que j'aurais dû choisir le cinéma. Mais je suis resté au théâtre et rétrospectivement, c'était un choix très heureux. Who's knocking at my door? Open the door, open the door. Why do you come so late? Open the door, open the door. How can you come to me? Open the door, open the door. Why can't you go away? Open the door, open the door. The house will. Heaven, heaven, heaven. We must be quiet, quiet. dark. It's dark and I cannot see. Open the door. Closer and let me look. Open the door. Closer and let me touch. Open the door. Is this your face? Open the door, c'est ce que chantent les cinq enfants de la maison de Bernarda Alba, à qui leur mère a imposé un deuil de 8 ans et l'isolement après la disparition de son mari. Un extrait de l'adaptation par Michael John Lacusa de la pièce de Federico Garcia Lorca en 2006, Off-Broadway. Une musique, vous l'avez entendu, inspirée cette fois du flamenco. L'une de vos premières compositions en matière de théâtre musical, Michael John Lacusa, c'était First Lady's Suite. En 93, autour des femmes des présidents américains, comment vous est venue l'idée de ce spectacle ? Je me suis dit qu'il fallait que j'en sache plus sur l'histoire des États-Unis. Parce qu'au lycée, j'avais des profs d'histoire qui étaient moyens. Et je ne savais pas suffisamment de choses sur l'histoire de mon pays. Donc un jour, j'étais en train de réfléchir à ça, j'étais dans la rue, et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi cette guerre de sécession ? Il faut que j'en sache plus. Et il y avait un bouquiniste, là, qui vendait un livre sur la correspondance entre Abigail Adams et son mari, le président John Adams. Je l'ai lu et j'étais fasciné par cette histoire d'amour, la petite histoire dans la grande histoire en quelque sorte. Et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est comme ça que je vais m'y prendre. Voilà, je vais aborder l'histoire des États-Unis par les premières dames. Et je me suis dit, voilà, maintenant tu as plein d'informations, il y a certaines histoires qui sont vraiment fascinantes, ce qui serait génial d'en faire une comédie musicale. Est-ce qu'il y a des éléments de comédie musicale dans ces histoires des premières dames? Et j'ai trouvé plusieurs histoires chez toutes les premières dames, Jackie Kennedy, Minnie Eisenhower, Eleanor Roosevelt. Et c'était des histoires formidables, poignantes, émouvantes, et ça chantait à mes oreilles. C'était vraiment génial, c'était musical pour moi. Et c'est ainsi qu'est née First Lady Suite. Quelle était la palette musicale que vous avez choisie pour First Lady Suite ? The musical palette, well, because it was set in various different periods. Évidemment, il s'agit d'époques différentes au fil du temps, donc je me suis amusé avec ça. Pour les histoires qui se passent dans les années 40, j'ai pris un peu de musique des années 40. Et pour moi, il y avait une notion de parfum. Il faut faire valoir un parfum lorsque s'intéresse aux différents styles musicaux. Par exemple, la chanson This Is What We Are, qui parle de Jackie Kennedy, la femme du président Kennedy, bien sûr. Quelle était la palette, quel était le style musical que vous cherchiez pour cette chanson ? Le style, c'est très intéressant parce que j'ai créé ce morceau dans le style de Rodgers et Hammerstein. C'est ça qui m'a inspiré. Sung by a Le morceau est chanté par l'assistante de John Kennedy au moment de l'atterrissage à Dallas, ce fameux et triste jour de 1963. And the secretary doesn't know what's Et l'assistante ne sait évidemment pas ce qui va se passer. But she says, you know, what we do, even though Elle explique que nous ne sommes pas le président, nous ne sommes pas la première dame, nous ne sommes pas des gens importants, mais chacun d'entre nous, même si nous jouons un rôle infime dans l'histoire, jouons quand même un rôle important. Nous ne sommes pas le soleil, nous sommes une petite particule de lumière qui fait partie du soleil et qui permet au soleil d'éclairer l'histoire. Here we are, just a speck in the air. About to land on a dot down there. This is what we are, a speck, a dot. This is what we are. We've cast our lot. We're only part of a giant machine. We're seldom heard and we're seldom seen. This is what we are, the work, the grief, till the day it ends, there's no relief. But what we do is bound to do some good, it will somehow, I believe we'll see we did some good. It's here, right here, we just can't see it now. Is asked of us. We've done our best so far. Specks of work and grief and hope. This is what we are. This is all. This is what we are, Evelyn Allos et Heather Lee, un extrait de cette première comédie musicale de chambre que vous avez créée ici en 1993, Michael John Lacusa, au Public Theatre à New York. Ça s'intitulait, cette comédie musicale, First Ladies Suite. Ce matin, nous vous rencontrons ici au Public Theatre. Vous êtes parolier, compositeur de comédie musicale et aussi auteur de livret. Un an plus tard, vous avez adapté La Ronde, la fameuse pièce d'Arthur Schnitzler, devenue film avec Simone Signoret. Ça s'intitulait Hello Again. Par quoi vous débutez lorsque vous attaquez à une comédie musicale ? Ce qui m'intéresse, c'est la psychologie des personnages. J'envisage une scène. Et s'il s'agit d'une scène où il y a de l'expectative, je commence par le battement du cœur. Si le personnage est emballé, eh bien, ça me donne le rythme. Si le personnage est amoureux, eh bien là, j'en tire une valse. Et c'est ainsi que je trouve non seulement les scènes, mais aussi les morceaux que je compose. Donc, il faut comprendre la psychologie du personnage et ce que va faire le personnage face au dilemme auquel il est confronté. C'est ça mon point de départ. C'est là que je me lance. C'est là que je commence à travailler sur l'œuvre. Le personnage avant tout. Comment vous composez ? How do you write music? When do you start? Sketches? Sketches is sometimes very, very much true. Sortes d'esquisses, oui. Si j'adapte quelque chose, eh bien, j'ai le texte. Prenons une pièce de théâtre, par exemple, La Ronde de Schnitzler. Eh bien, la pièce existe et cette pièce devient un petit peu mon partenaire. J'ai épousé cette pièce. Nous vivons ensemble, mais nous voulons avoir des enfants. Je veux avoir des enfants avec ce partenaire. Comment emprunter les gènes de la pièce? Comment étudier la pièce pour me l'approprier? Donc, je relis la pièce plusieurs fois et j'essaye de puiser du sens pour moi dans cette pièce. La musique émane des émotions. Les paroles, quant à elles, émanent du cerveau, c'est plus cérébral. Le grand parolier Yip Harbour, qui a écrit la chanson de Judy Garland dans Le Magicien d'Oz, Somewhere Over the Rainbow, a dit « La chanson, c'est une forme tridimensionnelle d'une idée, parce que vous avez les paroles cérébrales et vous avez la musique, qui est le cœur. » Les deux ingrédients se combinent pour créer un élément tridimensionnel qui reflète l'idée. Quelle ambiance pour ouvrir ce spectacle Hello Again ? Well, you know, Hello Again, of course, is based on La Ronde. Hello Again, vous l'avez dit, c'est inspiré de La Ronde. La Ronde qui est donc une danse. A circle dance. And so when we, when I think of La Ronde, I immediately went to a waltz. Pour une ronde, moi, je me suis dit qu'il fallait une valse, évidemment. La valse qui est cyclique. Et je me suis dit, il faudrait quatre accords qui se répètent de diverses façons, et ça a créé l'univers. L'univers pour démarrer le spectacle et puis pour créer un leitmotiv. Donc ça commence ainsi. Vous voyez le petit accord qui se répète. You know, over again and over again. So I went, and then I, then, you know, the first lines of the are from the whore. Le début, who says to the c'est la fille de joie qui dit aux soldats, you know, hey there, where you going, soldier? Look here, don't you know my face? Vous voyez, avec ces accords et la nature circulaire de la valse, je crée un univers qui puisse contenir l'ensemble de l'histoire. Et comme vous le savez, dans la pièce La Ronde, le personnage A rencontre le personnage B, qui rencontre le personnage C, puis au bout du compte, il y a une dizaine de personnages, et au bout du compte, le personnage H se retrouve avec le personnage A, et ça reprend. Et c'est une ronde. C'est ainsi que j'ai conçu cette comédie musicale. You. Hey there, where you going, soldier? Who, me? Look here, don't you know my face? No. You there, come and tell your sweetheart where you've been. Hey, it don't matter. Hello again. No thanks, I got no time, and I gotta get back to the barracks. By the river. Don't you got a room somewhere? Trust me, it's the perfect place. Smells like the sewer here. I've been searching high and low for you, but then what does it matter? Hello. I said I got no time, and I got no cash, can't pay for it anyhow. Who mentioned money? Who mentioned pay? Guys I like don't have to pay. Guys like you, they I heard about you at the cafe. You're the one who gives it away. You give it away, don't you? I wish you could be my boyfriend. Woo! I'd make you jealous. Hush, love, the cops will give a chase. What cops? You don't have to remember a face, a place, or when we may die tomorrow. I ain't gonna die. For now, watch your step, love, or we'll drown in the Hudson. Hello. Hello. What's your name? My name? Jesus. Mine's Leocadia. That's a good one. Hey there, where are you going, soldier? You getting up? Come close. Let me see your face. What for? You don't have to remember a face, a place, or when. So how about a darn love? It's for my doorman. We may never be saying hello again. Go to hell. Son of a bitch. Where's my brooch? You son of a bitch. You stole my brooch! Hey! Donna Murphy, c'est elle qui a créé le rôle de la prostituée dans La Ronde, la comédie musicale que vous avez composée dans les années 1992-1993, Michael John L'Accusa. Et ce que j'aime dans cette chanson, c'est que c'est une petite pièce de théâtre à elle toute seule. I like to go in and out of dialogue if I can. It's fun to do. Moi, j'aime bien interposer le dialogue avec la musique pour maintenir l'attention de l'auditeur. Les gens me disent, mais pourquoi tu ne peux pas écrire un morceau en 32 mesures comme tout le monde? Et moi, je dis, c'est ce que je fais, mais quand je veux du dialogue, je mets du dialogue. Point final. Va te faire foutre. Désolé, désolé. But, you know what I mean? It's just like, mais you know, I enjoy doing that. I think j'aime bien ça. I like teasing the ear. J'aime bien jouer avec l'oreille de l'auditeur. Je crois qu'il faut être fidèle à soi-même quand on est auteur, mais il faut également apporter quelque chose au public. La distraction, c'est très bien, il faut lancer des défis au public aussi, mais il faut que le spectateur soit présent et attentif. Moi, je ne veux pas que le spectateur sache à quoi s'attendre. Si c'est le cas, eh bien, ça devient ça devient comme un concert. Et moi, les concerts, le théâtre concert, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le théâtre-théâtre. On ne sait pas ce qui va se passer. Je peux connaître l'histoire. Par exemple, dans les grandes comédies musicales classiques, je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer, mais en même temps, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous voyez, et ça, c'est formidable, c'est ça le but. Et puis chacun s'y prend comme il peut. Moi, j'ai ma méthode. Friday night down in Houston in a spot called Bamboo Jacks. Everyone was doing the mambo and drinking golden Cadillacs. Sally was there with her daddy, but daddy was in a funk. Sally met up with and took a shine to a hunk from East Podunk. And daddy cried, hey, what you doing, what you doing? Oh, what's he? And Sally said, I see what I want to see. I know what I want to know. I don't need you to tell me what's true. If you don't like it, daddy, you can low, low, low, low, low. Saturday night at the same place, they roll up the bamboo rug. Everyone was doing the limbo except for Sally and her podunk plug. Idina Menzel, avant de devenir une star mondiale en chantant Let It Go dans La Reine des Neiges de Disney, était à l'affiche de See What I Wanna See de Michael John Lacusa, inspiré de trois nouvelles du japonais Ryunosuke Akudakawa, qui avait été créé off-Broadway. Autre héroïne mise en scène et en musique par Michael John Lacusa, que nous rencontrons ce matin sur la 42e rue de France Musique, c'est Médée. En 99, le compositeur avait écrit livret, paroles et musique d'une adaptation de ce mythe, resitué en Louisiane à la fin du 19e siècle. Et c'est Audra McDonald qui interprétait la femme qui tue ses enfants. You are a woman now, Lizette. Oui, mamselle. It's not always a pleasurable thing to be a woman. No, mamselle. We are ruled by our brothers. We are ruled by our husbands. We jump at the voices of our masters and do as they say. We are bartered and traded along with cattle and cotton. We have to be beautiful, and it helps to have a dowry of some kind. We have to show humility and have the presence of mind to never complain. And they say it's our fault. We were thrown out of Eden to be turned into salt. But there's a way back to paradise. There's a way. Study your men. Learn what they lack. Sweeten and stroke before you attack. Put up a front and then slip through the back. Be on your way back to paradise. Eden, when we didn't need husbands, we danced to the voices in the garden and had our own way. We were taught by our mothers along the river of knowledge. Our garden was beautiful until the angels came to call, and on the wings of jealousy, they brought down the fall and gave the garden to men who put it out of our touch. We were thrown out of Eden for knowing too much. But there's a way back to paradise. There's a way. Bide your time. Be clever and wise. When you look at a man, look him dead in the eye. Do not be seduced. Tell him elegant lies. Be on your way. Be on your way back to paradise. Way Back to Paradise, extrait de Marie-Christine, le mythe de Médée en comédie musicale par le compositeur, parolier et aussi auteur de livret, Michael John Lacusa, qui nous reçoit ce matin à New York. Il y a 4 ans, Michael John Lacusa, vous aviez choisi une autre femme pour héroïne, Annie Hudson Taylor, qui à 63 ans, sans le sou, avait décidé de devenir célèbre et riche en se jetant des chutes du Niagara dans un tonneau. Et vous avez construit votre spectacle de façon très habile, ce n'est pas une success story. L'exploit ne se déroule qu'à la fin du premier acte et en fait tout au long du second acte, on doute. On dit que dans les comédies musicales américaines, le second acte pose des problèmes. Et c'est peut-être vrai. Donc c'était ça le grand défi pour moi. Il fallait que je fasse ça dans Queen of the Mist. Je me suis dit, bon, elle se jette du haut des chutes du Niagara dans son tonneau. Et là, elle vit après cet exploit. Elle vit une bonne vingtaine d'années, enfin presque une vingtaine d'années. Et on se dit, qu'est-ce qu'elle a fait ? Et sa vie est particulièrement triste, mais en même temps, c'est complètement comparable à notre vie. Elle fait cet acte quand même remarquable, alors que sa propre vie va inexorablement vers la chute, quoi, en quelque sorte. Donc c'est un voyage d'ordre psychique qu'elle entreprend après cet exploit. Et ce second acte, c'est justement cette question-là. Est-ce qu'elle devient folle? Mais était-elle folle de se jeter du haut des chutes du Niagara dans un tonneau? Ben oui, quand même. Mais est-ce qu'elle a été folle de continuer à vivre jusqu'au bout? Et nous, est-ce que nous sommes tous fous de vouloir vivre jusqu'au bout? Et bien, c'est ça, un des grands points importants. Greatness in me. Ba-da-ba-ba-ba. That was great to write for Mary Testa. J'ai écrit ça pour Marie Testa, c'était formidable. Types like you ought to be locked up. Types like you got snuff for brains. Daredevils full of hot air and flash, hoping to make a little cash. Who then chicken out or flop and crash, leaving me foot in the bills, or worse, leaving me out of their wills. Oh yeah, types like you talk a real smooth game. Types like me, we call your bluff. I've had enough of cockamamie schemes and death-defying dreams. Types like you need to sell. It takes all types, but types like you can go straight to hell. I trust you, Mr. Russell. That's a new one. Take a little walk with me, Mr. Russell. Take a little walk in the moonlight tonight. The path may be a bit icy, but when the going gets dicey, you won't let me slip or stumble and trip. You'll offer your arm so polite, thank you, and I'll hold you close. Not so tight. Take a little stroll with me, Mr. Russell. Just a little stroll, we won't travel very far. The type of man you are is type of man I need in time, you'll see. Take a little walk, a little stroll, a little time with me. If your intention is suicide, lots of other folks have done it this way. People, so many people have entered these waters with the intent to fall over the cataracts and die. I will enter these waters with the intent to fall and live. Types like you ought to be locked up. Mr. Russell. Types like you got snuff for brains. Daredevil's full of hot air and flash, hoping to make a little cash. You then chicken out or flop and crash. You're leaving me foot in the bills. Stop it. And I'll hold you close. Not so tight. Where are we going? Down to the river. This time of night. Look at the stars. Look at the water, beautiful, glistening. You call it glistening, I call it deadly. Watch how the current holds to the left bank. I don't like water, not when it's moving. It moves fast, yes. It's a marvelous creature, a horrific beauty. It lives. It promises and seduces. It kills. But not me. Look at me. Not me. You're sure of that? Take a little chance with me, Mr. Russell. Take a little chance and put away your doubt. I have it charted out, and I've seen what has to be. You too will see. Take a little walk, a little stroll, a little time, Mr. Russell. Frank. Mr. Russell. You're an insane woman. No, I am a phenomenon. Don't go getting any high expectations about me. I'm just telling you now so that you can't blame me later. No expectations. Take a little chance with me. Jesus Christ, I need a drink. Types Like You, un extrait de Queen of the Mist, créé ici en 2011 au Public Theatre à New York, Marie Testa et Andrew Samonsky. Il y a 2 ans, Michael John Lacusa, vous avez décidé d'adapter cette fois une grande fresque américaine géant qu'on connaît au cinéma avec James Dean et Elizabeth Taylor. L'histoire d'une famille sur près de 30 ans. Vous avez composé une partition très mélangée du rockabilly des années 60, des chansons country du Texas, une influence espagnole. Pour finir, vous voulez bien nous interpréter un extrait ? C'est un morceau interprété pas par l'un des premiers rôles, mais par l'un des seconds rôles. C'est une femme qui devait épouser le chef du ranch, Big Benedict, et le personnage s'appelle Vashtai. Elle devait donc épouser Big Benedict et pour ainsi fusionner les deux ranchs. Mais Big Benedict épouse une fille de l'Est. Et le morceau est chanté par Vashtai, qui ne va pas donc se marier, et elle donne son point de vue sur les événements. He wanted a girl who hates dusty roads. He wanted a girl who cries porcelain tears. money the girl who put locks on the door to protect all them gemstones she got in her ears. But I am a girl who likes dusty roads, 'cause I was a girl who enjoys the outside. Yeah, I was that girl who could keep up with him and would follow him jerky, showing off our scratches and favorite scars, teaching me to hold my bourbon, trusting me to play my fiddle, making up songs, singing them to the stars. We'd laugh ourselves to sleep. That's something I can keep. That's something I can keep in my heart. Hearts don't dress up in fancy new clothes, and hearts don't wear jewels or put locks on the door. Hearts are just drums that go beating with one, and he was the one that my heart wanted for. He wanted a girl who hates dusty roads. He found him a girl who hates dusty roads. Their hearts was meant to fit, so I'll be the fiddle playing, bourbon drinking girl who'll learn to live with it. He Wanted a Girl, chanté live au Public Theater par Michael John Lacusa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you so much. Mon plaisir. Sur la page de 42e rue, vous retrouverez les références des disques diffusés ce matin. Vous pourrez nous podcaster et nous avons aussi indiqué les informations sur ce nouveau spectacle de Michael John Lacusa, First Daughter Suite, actuellement à l'affiche au Public Theater de New York. Une seule adresse, francemusique.fr. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique proposée par Laurent Vallière. Merci à Xavier Combes pour la traduction, à Julie Dany au Public Theater, à George Forbes de la Off-Broadway Alliance League à New York, attaché d'émission Martine Moni, à la technique Jason Taous, prise de son à New York Eric Lancien, réalisation Perrine Mingui. Rideau!